À l'occasion du 9 septembre, jour de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, le président namibien Hage Geingob a fait parvenir un message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Le destinataire a exprimé sa satisfaction pour le développement continu des excellentes relations diplomatiques entre les gouvernements et peuples de deux pays. Il a souhaité santé et grand succès au maréchal, ainsi que réussite à sa direction pour la prospérité continue du peuple coréen.